senteur, étrange lueur. J'ai pas de mandale, un mélange de couleurs. Et pendant des heures, les mêmes rumeurs. Mais en pleine mer, que l'air est amer. Loin des berges, sur mon radeau de fer. Tu imagines, de vagues en lame. Amour de pas.